Les deux frères. Un étranger arrive au village à la recherche d'un paysan. Il entre chez Pierre Jadin, au cabaret voisin de la gare, et au comptoir en payant sa chope. « N'y a-t-il pas dans le bourg, demande-t-il au cabaretier, un appelé André Jadin? J'ai des papiers à lui remettre et je ne sais où est sa maison. » « André Jadin, répète l'homme, André Jadin, j'ai déjà entendu ce nom-là. Mais on parle de tant de gens ici. » Non, pour un du village, je ne me le rappelle pas. Vous savez, il n'y a tout de même que la route à suivre pour voir toutes les maisons. La localité n'est point grande. L'étranger sort. À un autre café, il renouvelle sa question. Pardienne, André Jadin, répond ce cafetier. Je ne connais que lui. Il entraîne le voyageur sur le seuil, et avec de grands mouvements des deux bras, il lui explique en long et en large qu'il trouvera mondit Jadin au haut de la côte, dans la campagne du Lièvre Courant, à la petite ferme blanche entre les deux peupliers. Un quart d'heure d'ici, quoi. En effet, l'homme est trouvé, et sa commission faite, l'étranger s'en revient prendre le convoi. Il a quelques minutes de reste et il rentre au cabaret de la station. « Vous savez, dit-il au patron qui l'a tantôt consulté vainement, j'ai trouvé mon individu. C'est le fermier du Lièvre Courant. » « Nom de là !» crie l'autre avec un haut-le-corps. « Mais c'est mon propre frère. Que ne me demandiez-vous pas tantôt, André du Lièvre Courant? Je vous l'aurais dit tout de suite. » « Bien sot qui ne sait son nom. »